Ici Sylvain Rouleau, directeur général de la Caisse Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire Desjardins des Plaines-Boréales. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période de l'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année. Que la nouvelle année vous apporte bonheur, santé et prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes! Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Une autre année bien remplie se terminera bientôt. Profitons de ce temps des fêtes pour prendre un peu de recul et refaire nos forces. Je vous invite à réserver cette période pour fraterniser et célébrer avec vos proches dans l'harmonie et la chaleur de vos foyers. Pour 2017, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité. Le propriétaire du restaurant Subway de Debbouze-Sissy, M. Luc Bélanger, et toute son équipe profitent de l'occasion pour souhaiter à sa distinguée clientèle un très joyeux Noël et une bonne année. Et le remercie de leur encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents. Ce sont les souhaits du restaurant Subway situé au 1801 à Debbouze-Sissy au numéro de téléphone 418-276-6848. On est de retour à DanRadioSport.com. C'est une année olympique, Robert. Bon, on va parler de patinage de vitesse sur courte piste. Ça a quand même bien été pour l'équipe canadienne. Marianne Saint-Gelais a remporté une médaille d'argent. On en parle avec notre collaborateur de patinage de vitesse, François-Olivier Robert. Salut, François. Salut. François, oui, effectivement, ça a quand même bien été. Marianne Saint-Gelais, deuxième, et Kim Boutin, troisième au 1500 mètres. Ça, c'est bon. Ah, ça a été un super week-end là, pour l'équipe. En tout, 7 médailles individuelles, 2 médailles au relais, donc un gros total de 9 médailles en fin de semaine. Ça a vraiment super bien été. Marianne, comme tu disais, médaille d'argent au 1500 mètres devant sa coéquipière Kim Boutin, ça c'était samedi. Marianne, ça faisait 6 médailles en 8 possibilités cette saison, 5 médailles de suite. Là, c'est vraiment, vraiment encore une fois... comme l'an passé, là, ouais. Vraiment là, une superbe saison. Puis là, toute l'équipe aussi, là, samedi, il y a Marie-Ève Drolet qui s'y est mis aussi. Marie-Ève a eu une médaille de bronze au 1000. C'était son premier 1000 de l'année, puis elle a eu une médaille de bronze. C'est vraiment un très bon week-end. Là, puis les filles ont bien fait aussi. Les gars, hier, monté sur le podium pour la première fois de l'année au relais. Donc ça, c'était aussi une déception cette année. Disons, ben, déception, ouais. Je pense que je pourrais dire déception. Là, les gars ont fini deux fois quatrième, puis il y a des fois que ça a moins bien été aussi. Mais là, hier, un super relais en équipe, tout s'est bien passé. Donc, c'est un très bon week-end. Puis comme on disait vendredi, surtout très important mentalement comme fin de semaine, vu que c'était l'épreuve test pour les Jeux de Pyeongchang l'an prochain. Oui. Donc c'est dans l'amphithéâtre des Olympiques. Ça venait d'ouvrir cette semaine, tout chaud, tout beau. C'était supposément sold out là, à guichet fermé. Je sais pas si il y avait le guichet était plein. Je sais pas s'il y avait peut-être fermé des sections ou non, mais il y avait vraiment beaucoup de partisans parce qu'en Corée du Sud, on le sait, ils adorent ce sport-là puis ils sont très bons dans ce sport-là d'ailleurs. Mm. Donc c'est une super fin de semaine pour nos athlètes là. Je pense vraiment, j'ai vu plein de photos. Je leur ai pas parlé là, mais j'ai vu beaucoup de photos passer avec beaucoup de sourires. Puis nos athlètes partagent pas toujours plein de photos, mais là ils avaient l'air vraiment contents de leur fin de semaine. Donc je pense que pour toute l'équipe là, c'est fini, ça conclut l'automne puis ils rentrent chez eux pour Noël avec le sourire. Ok. Donc tu l'as dit, et également il y a Kim Boutin, troisième place. C'est bon ça. Oui, Kim, c'est super bon. Ça faisait depuis le début de la saison dernière, elle était montée sur le podium à Montréal. Ensuite, Kim, elle a pas fini la saison, là, elle était blessée. Puis là, le temps qu'elle revienne, là, elle est revenue. Puis là, elle vient de faire son premier podium depuis qu'elle est revenue. Puis ça doit la soulager beaucoup là, de voir qu'elle est pas juste revenue bonne au Canada, elle est revenue bonne aussi sur la scène internationale. Okay. Donc, c'est excellent. Sinon, dans les autres filles, il y a Valérie qui a eu une demi-finale au 1500 mètres, qui a fini troisième, Valérie Maltais, qui a fini demi-finale au 1500, qui a fini troisième de la finale B au 500 mètres. Que Cassandra qui a eu une moins bonne fin de semaine, encore de finale au 1000 mètres puis une pénalité en demi-finale au 500 mètres. Donc c'était pas nécessairement sa meilleure fin de semaine, mais elle est montée sur le podium avec les filles au relais. Okay. Donc pour elle aussi là, pour toute la gang de conclure la compétition comme ça, une médaille de bronze pour les filles au relais, c'est sûr que ça donne un sourire à toute l'équipe. Ouais, effectivement. Donc également chez les hommes, un gars sans connaître nécessairement une mauvaise saison, Charles Hamelin, je pense que c'est sa première médaille d'or de l'année, c'est ça? Oui, c'est vrai, c'est bon. C'est sa première médaille d'or de l'année. Oui, il connaît pas une mauvaise saison, mais disons qu'il Il a dû s'ajuster, puis il a pas été dominant comme Marianne a pu l'être ou comme Charles l'a déjà été aussi. Mais tu sais, on voit qu'il est encore rapide, on voit qu'il est encore dans le game. C'est encore un des patineurs les plus dominants du circuit. Mais effectivement, c'est sa première médaille d'or de l'année. Il y a Sam Girard qui était lui, il est parti l'année en feu. Puis là, ça fait deux compétitions que ça va un petit peu moins bien. Là. En fin de semaine, il a été éliminé en qualification du 1500 mètres. Mais par contre, il a gagné la finale B du 500 mètres. Donc, ça veut dire que gagner une finale B, là, c'est bon. Tu étais juste derrière le podium. Là. Donc, il s'est repris et il a bien conclu là, son périple en Asie avec ce 500 mètres-là. C'est pas une médaille, mais c'est quand même une victoire de la finale B. C'est quand même pas rien. Là. OK. Donc, c'est pas mal intéressant ce qui s'est passé en fin de semaine. Simplement, on va aller à la pause, puisqu'on a beaucoup de publicité dans le temps des fêtes, et on revient après la pause, et on va se parler de ce qui s'en vient après les fêtes. Donc, vous êtes à l'écoute de l'entrevue avec François-Olivier Roberge de la compétition de patinage de vitesse qui a lieu en fin de semaine en Corée du Sud. Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolboum-Sesny, au numéro de téléphone 418-276-8080. Ici Sandrine Lamontagne. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année! La direction du club de golf de Chibougamau-Chaparay, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse. À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. La direction et le personnel du garage Gérard Tremblay profitent de ce moment de réjouissance pour remercier sa clientèle qui l'encourage année après année. Joyeux Noël et bonne année, ce sont les vœux du garage Gérard Tremblay situé au 165 boulevard Dequin à Dolboum-Sesny au numéro de téléphone 418-276-0060. Et n'oubliez pas que nous serons toujours là pour bien vous servir pendant la prochaine année. Retour à danradiosport.com. François, bon, les athlètes reviennent maintenant pour la pause des fêtes. Qu'est-ce qui va se passer maintenant après les fêtes? Ben, en fait, ce qui est important, on va commencer par le plus important après les fêtes. Du 13, 14, 15 janvier, les patineurs vont être à Montréal pour le championnat canadien. Championnat canadien senior qui sert de sélection pour le reste de la saison. Donc, c'est toutes les mêmes coéquipiers, tous les Canadiens, tous les Québécois qui sont sur les lignes de départ à Montréal, à l'Arena Maurice Richard, du 13 au 15 janvier. Puis ça sert de qualification pour la saison, donc pour le reste des Coupes du Monde. Donc après, il reste une Coupe du Monde en Allemagne, il reste une Coupe du Monde en Bulgarie. Puis après ça, c'est les championnats du monde. Les championnats du monde cette année qui sont... J'ai un blanc de mémoire. En tout cas, après ça, il y a les championnats du monde. Donc, il reste deux Coupes du monde puis un championnat du monde. Donc, faut se classer premièrement à Montréal puis ensuite deux Coupes du monde, un championnat du monde. Donc, pendant le temps des fêtes, la gang, c'est sûr qu'ils reviennent puis ils doivent se reposer. Il y a un automne difficile. Mais ils se reposent pas très, très longtemps parce que deux semaines après le nouvel an, c'est une des compétitions les plus importantes de l'année. Puis c'est une grosse année, hein? On en parle chaque fois qu'on se parle, là, mais c'est 2017 qui commence, puis 2017, au mois d'août, c'est les qualifications olympiques. Donc ça va aller très vite, ça va super vite. Le championnat du monde va être en mars, puis au mois d'avril, on recommence à s'entraîner, puis au mois d'août, c'est les qualifications olympiques. Donc c'est ça qui s'en vient pour eux, là. C'est une grosse séquence, puis ça commence à Montréal avec le championnat canadien. OK. Et aussi, là, donc, il y aura 14-15 janvier, donc il n'y aura pas beaucoup de temps non plus nécessairement pour fêter le temps des fêtes, là. Non, c'est ça, exactement. Ils vont fêter en famille, mais je pense pas que ça va être ceux qui vont finir les parties à 3-4 heures du matin. Non, effectivement. Premièrement, ils reviennent d'Asie là aujourd'hui puis demain, donc il y a le décalage. Après ça, c'est ça. C'est un temps des fêtes qui va être relax, mais ils sont surtout contents de passer du temps en famille, hein, parce qu'ils sont souvent partis, là. Puis la gang du Lac-Saint-Jean, spécialement, là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, sont toujours partis. Ils sont toujours à Montréal. Et quand ils sont à Montréal, ils sont partis. Donc, ils ne sont jamais chez eux. Donc, c'est sûr qu'ils prennent un moment pour retourner dans leur famille. Nous, on disait ça, recharger les batteries. Là, revenir chez eux, recharger les batteries. Puis après ça, on repart pour un autre cycle. Puis ça va être un très gros cycle. Fait qu'il faut vraiment que là, ils se reposent. Puis pour part 2017, une énorme année pour eux. OK. Ben François, on se parle dans le temps des fêtes avec la rétrospective de l'année. Parfait. Notre collaborateur de patinage de vitesse sur Côte-à-Piste, François-Olivier Roberge.